Jamais sacré. Pays des gardiens, pays des gitans qui lisent l'avenir dans les lignes de ta main gercée, qui lisent les souvenirs sur ta peau ridée. Je me souviens des galets d'un crin blanc me menant à ton sein, là où se cachent tous tes amants, tes amants les flamands, gardés jalousement loin des villes de l'ennui, dans un silence infini, loin de la tentation. Je sens sur ton décœur une odeur de vie et de mort qui flotte sur tes mouvements et s'enlise avec le temps d'une chanson, le temps d'une illusion de bonheur qui me fait rêver de ces jours qu'on